Hier soir, je pense que j'ai eu une émotion. Oui, hier soir, je pense que j'ai eu une émotion. Quand tu m'as dit, tu m'aimais plus, j'étais assis dans le salon. J'ai eu une émotion, mais je suis pas sûr pantin.